Selon le journal d'internet sud-coréen Chazu Sibon, l'Action nationale contre la dispersion du SAD a tenu le 14 juin une conférence de presse devant le ministère sud-coréen des Affaires étrangères à propos de la visite du sous-secrétaire d'État américain en Corée du Sud. Elle a critiqué les États-Unis qui forcent la dispersion du SAD et exigé l'arrêt immédiat de toutes les démarches pour sa disposition.